He Minoru. Ces jours qui passent doucement, mais de façon inexorable. Des heures qui s'écoulent sur les sentiments, usés par le temps ineffable. J'ai au fond des yeux, au fond de mon cœur, cette angoisse d'être coupable, de ne pas avoir su rester à ma place pour vivre une vie sereine et stable. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il me reste plus rien. Peur du matin qui n'apporte rien que du vent et de la souffrance, une forme d'oubli ou bien de mépris bien plus fort que l'indifférence, où l'amour se meurt bien avant son heure, bien avant d'avoir eu la chance de montrer jusqu'où il voulait aller et pouvait peser dans la balance. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il me reste plus rien. J'ai peur d'être seul à me supporter, j'ai peur de cette différence que j'ai cultivée tout autour de moi, peur de ne jamais saisir ma chance, de mener ma vie au gré de mes humeurs sans accorder de l'importance à ceux qui devraient pourtant me guider pour ne jamais faire dans l'urgence. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il me reste plus rien. J'ai toujours envie de changer de peau, comme si je voulais qu'elle éclate, sortir de ma tête les idées qui viennent, les frayeurs qui rendent les mains moites, m'inventer un monde qui n'existe pas pour rendre ma vie moins étroite, prendre les virages dangereux et peu sûr, au lieu de suivre une ligne droite. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il ne reste plus rien. n'aime plus ce que je suis devenu n'est pas que le fruit du hasard. Mon existence même est peuplée de rêves qui me semblent de plus en plus bizarres. Mes yeux ne voient plus le bien ou le mal, j'avance comme dans un brouillard. J'ai fait de ma vie un vrai champ de ruines, semé de troubles et de bagarres. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il me reste plus rien. J'ai peur du matin qui n'apporte rien, c'est pour ça que j'écris sans cesse. Les peurs de la nuit, des rêves interdits, des angoisses qui créent la détresse. J'ai peur de mourir sans avoir pu dire à ceux que chaque jour je blesse, que je les aimais et que mes colères ne font que cacher ma faiblesse. J'ai peur de mes rêves quand vient le matin, quand la nuit s'achève, qu'il me reste plus rien, qu'il me reste plus rien, qu'il me reste plus rien. Thank you. Salut John Mann. Hello John. Hi. Hi John. On continue en français.